Nasengi bolingo mama tika gosa limbobizie Beloti na lulio Kakola mokano na ya motu ya ele kimwa na mama ye Pomo se mabokita Beloti yaka Ilanga mama la sirena moloka Beloti yaka Ilanga mama la sirena moloka La la mwe na yeso bao Yo kela masolo mama Yango ya banga ibanso Na mileli nebola Ayako beso sabu La sirena moloka Belotie Belotiaka Ilanga mama La sirena moloka Belotiaka Ilanga mama La sirena moloka Na langwe Na yeso bao Dans son sort, là est tout tout. Yo laisse maman et soto faire malade. Des marchés d'ailleurs, oh yo, on j'ai un savé. Basou sur la carte, va ta mouille, mon te va toi, tu vois, maman. Nicolo d'ailleurs, mélodie. Matama e kokota Alati mamunda e pute otantiga Kona yango voze kako kone bende ata dogono Aitu bia mata e nyangwa nepe Nole so mama e soto fere malade Ne marche na e oyo anse ansabe Tanjou se la kate bata mori moto bako tibo mama Nikolo na yoi, melodie Melodie asekie, matama e kokota Alati mamunda e kote e otantike Mwana yango kose kako kone bende ata dogono Na itu mia mato, e yamba mieti La la la la la la Il était con Kalifa, ensemble, il m'a dit va foutre rien. Salvati Bangora Mopanzia. Matoko, Matoko, Sylvie. Dans les sommes, ma maison, ton pire est malade. Tes marchés, la yéo, oyo, rangé, à sa vie. Ma souce, la tante, va ta moli, moto, va pas, tibo, mama. Licolo, na yo, et pelotier. Pelotier, c'est qui est, ma tama et cocotte. Alatina puta e volte e gocciantiche Mwana ya mogo zenga loko de bende ya talo uru Ae tumi ya moto e nyangwa mie La la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dasi, Kumba Masua, Tokende, Don't Das. Be not fair, Gas, go. La la la la la la.